Chapitre 29. La menace. Le chevalier portait un pyjama à rayures, il léchait ce qu'il restait d'une sucette et levait ses lunettes rondes vers Ophélie. « Vous ne devriez pas laisser votre clé sur la porte. Vous ne connaissez donc pas ce tour qui consiste à la pousser avec une épingle depuis l'autre côté ?»« On glisse d'abord un papier en dessous, et ensuite il n'y a plus qu'à le tirer vers soi quand la clé est tombée. » Si l'espace sous la porte est assez grand, ça marche à tous les coups. » Les bras ballants dans son grand manteau noir, Ophélie n'écoutait pas un mot de ce que lui disait le chevalier. La présence de ce petit mirage ici était un désastre. Très calme, absolument inexpressif, il tapota le lit pour l'inviter à s'asseoir près de lui. « Vous n'avez pas l'air d'aller bien, mademoiselle. Installez-vous à votre aise. La musique ne vous dérange pas trop ?» Ophélie resta debout. Elle était si catastrophée qu'elle avait oublié la douleur. Elle n'avait pas la plus petite idée de ce qu'elle était censée dire ou faire. Elle se décomposa davantage lorsque le garçon sortit maladroitement de son pyjama une liasse d'enveloppes. « J'ai jeté un coup d'œil à votre courrier personnel. J'espère que ça ne vous ennuie pas. On me reproche souvent d'être trop curieux. » Les lettres disparues. Comme en nom de nom était-elle arrivée entre les mains de cet enfant? « Votre mère se fait beaucoup de soucis pour vous, » commenta le chevalier en piochant une lettre au hasard. « Vous avez de la chance. Ma première maman est morte. Heureusement que j'ai Madame Bérénilde. Elle est extrêmement importante pour moi. » Il posa sur Ophélie ses yeux placides, grossis par ses épaisses lunettes. « Vous avez réfléchi à la proposition de Gustave ? Vous avez jusqu'à ce soir pour honorer votre part du contrat. » « Le commanditaire !» articula Ophélie dans un filet de voix. « C'est vous ?» Imperturbable, le chevalier lui montra du doigt le phonographe qui faisait retentir sa musique de fanfare. « Vous allez devoir parler un peu plus fort pour que je vous entende, mademoiselle. Si vous ne tuez pas le bébé, » reprit-il tranquillement, « Gustave lâchera les gendarmes sur vous. Moi, je n'ai pas trop d'influence sur eux. Lui, si. » Le garçonnet croqua bruyamment le reste de sa sucette. « Vous ne devez surtout pas tuer, Madame Bérénilde, juste le bébé. Une vilaine chute suffira, je pense. C'est essentiel qu'il meure. Il pourrait prendre ma place dans le cœur de Madame Bérénilde, comprenez-vous ? » Non, Ophélie ne comprenait pas. Qu'un petit corps de 10 ans pût renfermer un esprit aussi malsain, ça dépassait son entendement. C'était à cause de cet endroit, de ces nobles, de toutes ces guerres de clans. Ce monde ne donnait pas la moindre chance aux enfants de développer un sens moral. Le chevalier jeta son bâtonnet de sucette par terre et se mit à éplucher consciencieusement les lettres d'Ophélie. « Je surveille tout ce qui concerne Madame Bérénilde de près. Intercepter le courrier de sa famille est une vraie petite manie. C'est en tombant sur le vôtre que j'ai appris que vous étiez au manoir. Ne vous inquiétez pas, » ajouta-t-il en remontant ses lunettes sur son nez. « Je n'en ai rien dit à personne, pas même à Gustave. » Il balança ses jambes au bout du lit, se prenant d'un intérêt subit pour ses petites pantoufles en fourrure. « Honnêtement, je suis un tantinet vexé. D'abord, on loge une inconnue dans ma maison sans me demander la permission. Et quand je décide de vous rendre visite par moi-même, je découvre qu'une domestique fait semblant de jouer votre rôle. Un leurre pour les curieux, n'est-ce pas ? J'ai peur de ne pas partager ce sens-là de l'humour, mademoiselle. Cette pauvre fille l'a appris à ses dépens. » Ophélie fut secouée de frissons nerveux. Qui l'avait remplacée au manoir ? Pistache ? Elle ne s'en était jamais souciée. Elle n'avait pas eu une seule pensée pour celle qui risquait sa vie à sa place. « Lui avez-vous fait du mal ?» Le chevalier haussa les épaules. « J'ai juste fouillé dans sa tête. C'est comme ça que j'ai su que le petit valet, c'était vous, en réalité. J'ai voulu voir par moi-même à quoi vous ressembliez, et je suis parfaitement rassurée maintenant que c'est chose faite. Vous êtes bien trop quelconque pour que Madame Bérénilde se prenne d'affection pour vous. » Il se replongea dans les lettres, le nez froncé de concentration. « L'autre dame, c'est une parente à vous, n'est-ce pas ?»« Ne vous en approchez pas !» Ophélie avait parlé plus vite que sa pensée. Provoquer cet enfant était un acte irréfléchi et dangereux. Elle le sentait de toutes les fibres de son corps. Il releva ses lunettes rondes vers elle et pour la première fois, elle le vit sourire, un sourire gauche, presque timide. « Si Madame Bérénilde perd son bébé avant ce soir, je n'aurai aucune raison de m'en prendre à votre parente. » Le chevalier rangea les lettres d'Ophélie dans sa chemise de pyjama et faillit trébucher en se levant du lit. Pour un enfant aussi maladroit, il ne manquait vraiment pas d'aplomb. Côte fêlée ou non, Ophélie lui aurait donné la fessée du siècle si elle avait été capable de bouger, mais il lui semblait qu'elle se noyait corps et âme dans les lunettes en cul de bouteille. Tout jeune qu'il fût, le chevalier n'était pas tellement plus petit qu'elle une fois debout. Elle n'arrivait plus à s'arracher à son regard placide sur lequel se rabattaient les paupières tatouées. « Non, » pensa Ophélie de toutes ses forces, « je ne dois pas le laisser manipuler mon esprit. » « Je suis désolée, mademoiselle, » soupira le chevalier, « mais vous ne garderez aucun souvenir de cette conversation. Je suis toutefois convaincue qu'elle laissera en vous une impression, une très mauvaise et très tenace impression. » Sur ces mots, il la salua d'une inclination de tête et referma la porte derrière lui. Ophélie demeura immobile dans le grand manteau de Thorne. Elle avait un mal de crâne atroce. Elle arrêta le phonographe pour le faire taire. Pourquoi l'avait-elle relancé, celui-là ? Elle sourcilla en voyant la clé mal enfoncée dans la serrure. Elle n'avait pas verrouillé la porte, quelle tête de linotte ! Alors qu'elle traversait la chambre, quelque chose se colla à son bas. Ophélie frotta le sol pour s'en débarrasser et examina ce que c'était. Un bâtonnet. Cette pièce se transformait en dépotoir. Elle s'assit avec précaution sur le lit, puis promena un regard soucieux autour d'elle. Sa livrée était pliée sur le dossier d'une chaise. La bassine avait été vidée de son eau usagée. La porte était enfin fermée à clé. Alors, pourquoi ? Pourquoi avait-elle l'impression d'avoir oublié quelque chose de très important ? « Il s'est pendu, grand bien lui fasse !» Ophélie venait à peine de se poser à la table de l'office que Renard lui avait jeté cette déclaration à la figure, entre deux gorgées de café. « Qui s'est pendu » aurait-elle voulu lui demander. Elle le dévisagea longuement jusqu'à ce qu'il se décidât à en dire plus, et lui signala du menton l'agitation fiévreuse des domestiques autour des tables. « Il faut vraiment que tu te décroches de la lune, fiston. Tout le monde ne parle que de ça. Gustave, le majordome en chef, il a été retrouvé épinglé à une poutre de sa chambre. » Si Ophélie n'avait pas déjà été assise sur un banc, ses jambes se seraient dérobées sous elle. Gustave était mort. Elle avait parlé de lui à Thorne, et il était mort. Elle pressa Renard du regard, avide de savoir ce qui s'était passé. « Ça a l'air de drôlement de secouer !» s'étonna Renard avec un haussement de sourcil. « Tu es bien le seul à pleurer sur son sort, crois-moi. C'était un vrai vicelard, ce gars-là. Et puis, il n'avait pas la conscience toute nette, tu sais. Paraît qu'on a trouvé sur son secrétaire une convocation de la Chambre de justice. Détention illégale de sablier jaune, abus de confiance, et j'en passe. » Renard passa son pouce sous sa mâchoire imposante d'un geste significatif. « Il était fini, de toute façon. À vouloir trop jouer avec le feu, on se brûle les miches. » Ophélie toucha à peine au café que Renard lui servit d'un mouvement théâtral. La chambre de justice était étroitement liée à l'intendance. C'était bel et bien Thorne qui était derrière tout ça. Il avait tenu parole. Ophélie aurait dû se sentir soulagée pour elle et pour le bébé, mais son estomac restait noué. Et maintenant, Thorne n'allait tout de même pas inviter sa grand-mère à se jeter d'une fenêtre, non ? Comme Renard se grattait la gorge avec insistance, elle émergea de ses pensées pour revenir à lui. Il contemplait le fond de sa tasse vide avec une moue embarrassée. « Tu reprends ton service aujourd'hui, hein ? Pour la chansonnette, là ?» Ophélie acquiesça. Elle n'avait pas le choix. Ce soir, c'était l'opéra du printemps donné en l'honneur de Farouk. Bérénilde comptait impérativement sur sa présence. Elle s'était même arrangée pour lui attribuer un petit rôle de gondolier. Avec une côte fêlée, ça promettait d'être une longue soirée. « Moi, je n'y serai guère, » grommela Renard. « Madame, ma maîtresse, est sourde comme un pot. Les opéras l'ennuient à mourir. » Il n'avait pas levé les yeux de sa tasse, un pli s'était incrusté entre ses sourcils. « Pour toi, c'est pas un peu tôt ?» demanda-t-il abruptement. « Je veux dire, après ce que t'as vécu, un seul jour de repos, c'est quand même pas beaucoup, hein ?» Ophélie attendit patiemment qu'il dît ce qu'il avait à dire. Renard se grattait la gorge, peignait ses favoris, jetait des coups d'œil méfiants alentour. Soudain, il plongea une main dans sa poche. « Tiens, mais n'en fais pas une habitude, hein ? C'est juste pour cette fois, le temps que tu souffles un peu, hein ?» Étourdie par tous ces « hein », Ophélie considéra le sablier vert posé près de sa tasse de café. Elle s'estima heureuse d'être tenue au silence. Si elle avait pu parler, elle n'aurait pas su quoi dire. Jusqu'à cet instant, c'était elle qui donnait tous ses pourboires. Renard croisa les bras sur la table d'un air renfrogné, comme si jouer les âmes charitables portait atteinte à sa réputation. « Les trois sabliers bleus, » maugréa-t-il entre ses dents, « ceux que la mère Hildegarde t'a donné. Les gendarmes ne te les ont pas rendus, hein ? Je trouve ça pas correct. Alors voilà. » Ophélie scruta intensément Renard, son visage puissant, ses yeux expressifs sous le buisson ardent des sourcils, ses cheveux tout feu, tout flamme. Il lui semblait qu'elle le voyait soudain avec plus de clarté qu'auparavant. Thorn lui avait ordonné de ne donner sa confiance à personne. À ce moment-là, elle se sentit incapable de lui obéir. « Ne me regarde pas de cette façon, » dit Renard en se détournant. « Ça te fait comme des yeux de femme. C'est très gênant, tu sais. » Ophélie lui rendit son sablier. Quoi qu'il en pensât, il en aurait plus besoin qu'elle. Passé l'instant de surprise, Renard se fendit d'un sourire railleur. « Oh, je crois comprendre. Tu veux le voir et être vu de lui, c'est ça ?» Il s'aplatit sur la table comme un grand chat roux, coude en avant, de façon à pouvoir lui parler nez à nez. « Le Seigneur immortel » chuchota-t-il. « Celui que seuls les gens de la haute peuvent regarder en face. Moi, mon garçon, je l'ai déjà rencontré, juré craché. C'était juste un instant, alors que j'escortais Madame Clotilde. Mais j'ai pu le voir comme je te vois, toi. Et crois-moi ou pas, bonhomme, il m'a effleuré des yeux. Être regardé par un immortel, tu te rends compte ?» Renard paraissait si fier qu'Ophélie ne sut trop si elle devait sourire ou grimacer. À force de côtoyer les domestiques, elle s'était rapidement aperçue qu'ils étaient redoutablement superstitieux dès qu'il s'agissait de Farouk. Il semblait persuadé qu'une simple attention de sa part, même involontaire, impressionnait tellement l'âme qu'elle en devenait immortelle. Ceux qui avaient la chance d'être regardés par l'esprit de famille, un privilège normalement réservé aux nobles, survivraient à la mort du corps. Les autres étaient condamnés au néant. Les animistes n'entretenaient pas cette sorte de croyance vis-à-vis d'Artémis. Ils se plaisaient à penser qu'ils continuaient d'exister à travers la mémoire de leurs objets, et ça s'en tenait là. Renard tapota l'épaule d'Ophélie comme pour la consoler. « Je sais que t'as un petit rôle dans la pièce, mais n'espère pas être remarqué pour ça. Toi et moi, on est invisibles aux yeux des grands de ce monde. » Ophélie médita ces paroles tandis qu'elle se frayait un chemin à travers le couloir de service du rez-de-chaussée. Il y avait tant de circulation ce matin que les valets, les soubrettes et les coursiers se marchaient sur les pieds, dans un désordre indescriptible. Tous ne parlaient plus que de l'opéra. La mort de Gustave était déjà de l'histoire ancienne. Les côtes d'Ophélie résonnaient à chaque respiration. Elle se chercha des passages moins fréquentés, mais les jardins et les salons étaient noirs de monde. En plus des invités habituels de l'ambassade, il y avait là des ministres, des conseillers, des élégantes, des diplomates, des artistes et des dandys. Ils venaient tous ici pour les ascenseurs d'Archibald, les seuls à desservir la tour de Farouk. Les fêtes de printemps devaient être un événement très attendu au pôle. Les effectifs de gendarmes avaient doublé pour l'occasion. Au salon de musique, l'ambiance n'était, hélas, pas tellement plus calme. Les sœurs d'Archibald s'affolaient à cause des problèmes de costume, les robes de scène entravaient leurs mouvements, les coiffes pesaient trop lourd sur leurs têtes, les épingles venaient à manquer. Ophélie trouva Bérénilde, derrière un paravent, debout sur un repose-pied, ses bras gantés, gracieusement relevés. Majestueuse dans sa robe à collerette fraisée, elle désapprouvait le tailleur qui lui faisait essayer des ceintures de satin. « Je vous ai demandé de dissimuler mon ventre, non pas d'en souligner l'arrondi. »« Ne vous inquiétez pas de cela, madame. J'ai prévu d'ajouter un jeu de voile qui ne révélera de votre silhouette que ce qu'il convient. » Ophélie jugea préférable de se tenir en retrait pour le moment, mais elle pouvait parfaitement voir Bérénilde dans la grande psyché à pivot. Elle avait les joues toutes roses d'émotion. Elle était réellement éprise de Farouk. En cela, elle ne feignit rien. Ophélie lisait presque ses pensées dans ses grands yeux limpides. « Je vais enfin le revoir. Je dois être la plus belle. Je peux le reconquérir. » « Je suis contrit pour votre mère, madame, » soupira le tailleur avec une expression de circonstance. « Tombez malade le jour de votre représentation. Ce n'est vraiment pas de chance. » Ophélie retint son souffle. La grand-mère de Thorne avait fait un malaise. Ce ne pouvait être une coïncidence. Bérénilde ne paraissait pas particulièrement inquiète. Toutefois, elle était bien trop obsédée par l'image que renvoyait d'elle le miroir. « Maman a toujours été fragile des poumons, » dit-elle distraitement. « Chaque été, elle se rend au sanatorium des Sables d'Opale. Elle y ira plus tôt cette année, voilà tout. » Ophélie aurait aimé savoir comment Thorne avait manœuvré pour que sa grand-mère se fît porter pâle. Peut-être l'avait-il ouvertement menacée. L'air était soudain devenu beaucoup plus respirable et de cela, Ophélie lui était redevable. Pourtant, elle continuait de ne pas se sentir à son aise. Elle avait l'impression qu'une menace planait toujours dans l'atmosphère sans qu'elle fût capable de mettre un nom dessus. Le regard de Bérénilde accrocha le reflet noir et blanc de Mime dans la glace. « Te voilà. Tu trouveras tes accessoires sur la banquette. Ne les perds pas. Nous n'en avons pas de rechange. » Ophélie comprit le message. Elle paraîtrait aussi à la cour, ce soir. Même cachée sous le visage d'un domestique, elle avait intérêt à ne pas faire mauvaise impression. Elle chercha la banquette des yeux au milieu des clavecins et des robes. Elle y trouva un chapeau plat à long ruban bleu, une rame de gondole et la tante Roseline. Décomposée d'inquiétude, elle était si pâle que sa peau avait perdu son jaunâtre habituel. « Devant toute la cour !» murmura-t-elle entre ses longues dents. « Donnez la fiole devant toute la cour !» La tante Roseline interprétait la suivante d'Isolde qui, ne pouvant se résoudre à donner le poison réclamé par sa maîtresse, le remplace par un filtre d'amour. C'était un petit rôle sans parole de ce qu'on réservait aux domestiques, mais l'idée de paraître sur scène devant un public aussi conséquent la rendait malade de trac. Alors qu'Ophélie se coiffait du chapeau plat, elle se demanda si Thorne assisterait lui aussi à la représentation. Elle n'avait pas particulièrement envie de faire semblant de ramer juste sous son nez. À bien y réfléchir, elle n'avait envie de le faire sous le nez de personne. Les heures qui suivirent tombèrent au compte-gouttes. Bérénilde, les sœurs d'Archibald et les dames de la chorale étaient tout affairées à leur toilette, ne s'accordant de répit que pour boire des infusions au miel. Ophélie et sa tante durent attendre bien sagement sur leur banquette. Vers la fin de la matinée, Archibald passa au salon de musique. Il avait endossé des habits plus miteux que jamais et ses cheveux étaient si mal peignés qu'ils ressemblaient à un tas de paille. Il mettait vraiment un point d'honneur à paraître négligé quand les circonstances s'y prêtaient le moins. C'était, avec son implacable franchise, l'un des rares traits qu'Ophélie appréciait chez lui. Archibald fit des recommandations de dernière minute aux couturières de ses sœurs. « Ces robes sont beaucoup trop audacieuses pour leur âge. Mettez des manches gigots à la place des gants et ajoutez de larges rubans pour cacher les décolletés. »« Mais, monsieur, » bafouilla une confectionneuse avec un coup d'œil alarmé vers l'horloge, « ne laissez paraître de leur peau que celle du visage. » Archibald ignora les cris horrifiés de ses sœurs. Son sourire n'était pas aussi désinvolte qu'à l'accoutumée, comme si l'idée de les livrer en pâture à la cour lui répugnait. C'était un frère très protecteur. Ophélie devait lui reconnaître cela. « Ce n'est pas négociable, » décréta-t-il, alors que ses sœurs n'en finissaient plus de protester. « Sur ce, je retourne à mes invités. Je viens de perdre mon majordome en chef, et je me retrouve avec des problèmes d'intendance sur les bras. » Quand Archibald fut parti, le regard d'Ophélie ne cessa plus d'aller et venir entre la pendule, Bérénilde et la tante Roseline. Elle se sentait oppressée sous sa livrée, comme si un compte à rebours continuait de s'égrener en silence. Plus que 7 heures avant la représentation. Plus que 5 heures. Plus que 3 heures. Gustave était mort et malgré cela, absurdement, elle se sentait encore l'esclave de son chantage. Elle aurait dû prévenir Bérénilde de ce qui s'était passé dans les oubliettes. La voir si insouciante devant son miroir ne la tranquillisait pas. Ophélie avait peur pour elle, pour le bébé, pour sa tante aussi. Sans que rien ne le justifiât vraiment. La fatigue finit par avoir raison de ses angoisses et elle se mit à somnoler sur la banquette. Ce fut le silence qui la réveilla, un silence si brutal qu'il en faisait mal aux oreilles. Les sœurs d'Archibald ne babillaient plus, les couturières avaient suspendu leur ouvrage, les joues de Bérénilde s'étaient décolorées. Des hommes et des femmes venaient de faire irruption dans le salon de musique. Ces gens-là n'avaient pas l'allure des autres nobles du clair de lune. Ils ne portaient ni perruques ni fanfreluches, mais ils se tenaient tous si droits qu'on aurait pu les croire maîtres des lieux. Leurs beaux habits de fourrure, plus adaptés aux forêts qu'au salon, ne dissimulaient pas les tatouages sur leurs bras. Ils avaient tous en commun un regard dur, tranchant comme de l'acier, le même regard que Thorn. Des dragons. Encombré de son aviron, Ophélie se leva de sa banquette pour s'incliner comme n'importe quel valet tenant un tant soit peu à la vie le ferait. Thorn l'avait mise en garde. Sa famille était d'une susceptibilité extrêmement chatouilleuse. Quand Ophélie se redressa, elle reconnut Freyja, à ses lèvres pincées et à son nez en épine. Elle promenait ses yeux glacés sur les robes de scène et les instruments de musique, puis elle les figea sur les sœurs d'Archibald, pâles et silencieuses. « Vous ne nous saluez pas, jeune demoiselle ?» articula-t-elle lentement. « Serions-nous indignes d'être vos invités d'un jour ? Nous n'avons l'autorisation de monter au clair de lune qu'une fois l'an, mais peut-être est-ce déjà trop à votre goût ?» Désemparées, toutes les sœurs se tournèrent vers leur aînée dans un même mouvement de girouette. Patience leva le menton avec dignité et serra ses mains pour les empêcher de trembler. Elle était peut-être la moins jolie à cause de ses traits sévères, mais elle ne manquait pas de courage. « Pardonnez-nous, Madame Freyja, nous ne nous attendions pas à cette visite impromptue. Il vous suffira, je pense, de regarder autour de vous pour comprendre notre gêne. Nous sommes tout en train de nous habiller pour l'opéra. » Patience eut un regard significatif pour les dragons aux barbes hirsutes et aux bras balafrés. Dans leur manteau de fourrure blanche, ils ressemblaient à des ours polaires qui se seraient égarés dans le monde des humains. Il y eut des exclamations indignées parmi les dames de la chorale. Les triplets de Freyja pouffaient de rire en penchant leur tête rasée sous les robes. Leur mère n'eut pas un mot pour les rappeler à l'ordre. Au contraire, elle s'assit sur le tabouret d'un clavecin, coude sur le couvercle, bien décidée à rester. Elle portait sur les lèvres un sourire qu'Ophélie connaissait bien. C'était celui qu'elle avait affiché dans le fiacre, avant de la gifler à toute volée. « Continuez à votre aise, mesdemoiselles. Nous ne vous dérangerons pas. Ceci est une simple réunion de famille. » Des gendarmes soupçonneux entrèrent dans le salon pour voir si tout allait bien, mais Patience leur fit signe de s'en aller. Puis elle demanda aux couturières de terminer leur travail. Freyja tourna alors son sourire forcé vers Bérénilde. « Cela faisait bien longtemps, ma tante. Vous me semblez vieillie. » Bien longtemps, en effet, chère nièce. Derrière la posture effacée de mime, Ophélie ne manquait rien de la scène. À force de jouer les valets, elle avait appris à capter chaque détail en quelques coups d'œil attentifs. Elle ne pouvait pas dévisager crûment Bérénilde, mais elle pouvait faire l'addition de tout ce qu'elle percevait d'elle. Le timbre maîtrisé de sa voix, son immobilité parfaite dans la belle robe d'Isolde, ses bras gantés qu'elle maintenait le long du corps pour les empêcher de se croiser instinctivement sur son ventre. Sous son vernis de calme, Bérénilde était tendue. « Tu es injuste, petite sœur. Notre tante n'a jamais été aussi radieuse. » Un homme, qu'Ophélie ne connaissait pas, s'était avancé hardiment vers Bérénilde pour lui baiser la main. Il possédait un menton saillant, des épaules athlétiques et un teint éclatant. S'il était le frère de Freyja, il était donc le demi-frère de Thorn. Il ne lui ressemblait pas du tout. Son intervention eut le mérite de détendre Bérénilde qui glissa un doigt affectueux sur sa joue. « Godfroy, cela devient si difficile de te sortir de ta province. Chaque année, je me demande si tu survivras à cet épouvantable hiver, là-bas, au fond de ta forêt. » L'homme laissa éclater un rire retentissant, un rire qui n'avait rien à voir avec les gloussements habituels des courtisans. « Voyons, ma tante, je ne me permettrai jamais de mourir sans prendre le thé avec vous une dernière fois. Bérénilde, où est Catherine ? Elle n'est pas avec toi ? Cette fois, c'était un vieil homme qui venait de s'exprimer. Du moins, Ophélie supposa qu'il était vieux. Malgré ses rides et sa barbe blanche, il était bâti comme une armoire à glace. Il posait un regard méprisant sur le mobilier raffiné qui l'entourait. Dès qu'il avait pris la parole, tous les membres de la famille s'étaient tournés vers lui pour l'écouter. Un vrai patriarche. « Non, père Vladimir, » dit doucement Bérénilde. « Maman a quitté la citadelle, elle est souffrante. Elle ne viendra pas à la chasse de demain. » « Un dragon qui ne chasse pas n'est plus un dragon, » gronda le vieil homme dans sa barbe. « À trop fréquenter les salons, ta mère et toi êtes devenues de petites délicates. Peut-être vas-tu nous annoncer à présent que toi non plus, tu n'en seras pas. » « Père Vladimir, il me semble que tante Bérénilde a des circonstances atténuantes. »« Si tu n'étais pas notre meilleur chasseur, Godefroy, je te couperais les mains pour avoir prononcé des mots aussi honteux. Dois-je te rappeler ce qu'elle représente pour nous, cette grande chasse du printemps ? Un art noble, pratiqué de nous seuls, qui rappelle au monde d'en haut qui nous sommes. » La viande que les courtisans trouvent chaque jour dans leur assiette, ce sont les dragons qui la leur apportent. Le père Vladimir avait poussé sur sa voix de façon que chaque personne présente dans la salle pût l'entendre. Ophélie l'avait entendu, ça oui, mais elle l'avait à peine compris. Cet homme avait un accent épouvantable. « C'est une tradition très respectable, » concéda Godefroy, « mais elle n'est pas sans danger. Dans son état, tante Bérénilde pourrait être excusée. Fadaise ! » s'exclama une femme jusque-là restée silencieuse. « J'étais sur le point d'accoucher de toi, mon garçon, que je chassais encore dans la toundra. » La belle-mère de Thorn, releva Ophélie en elle-même. C'était le portrait de Freyja, avec des traits plus prononcés. Elle non plus, elle ne serait probablement jamais une amie. Quant à Godefroy, Ophélie ne savait trop quoi penser de lui. Il lui inspirait spontanément de la sympathie, mais elle se méfiait des trop bonnes pattes, depuis le vilain tour que lui avait joué la grand-mère. Le père Vladimir leva sa grande main tatouée pour désigner les triplets, occupés dans leur coin à démanteler une harpe. « Regardez-les, vous tous. Voilà à quoi ressemblent des dragons. Pas 10 ans d'âge et demain, ils chasseront leur première bête, sans d'autres armes que leurs griffes. » Assise à son clavecin, Freyja exultait. Elle échangea un regard complice avec Aldor, son mari, à la vaste barbe blonde. « Quelle femme, parmi vous, peut se vanter de perpétuer ainsi notre lignée ?» poursuivit le père Vladimir en promenant un regard dur autour de lui. « Toi, Anastasia, trop laide pour te dégoter un mari ? Toi, Irina, qui n'a jamais mené à terme une seule de tes grossesses ?» Tous les visages se baissèrent sous le faisceau implacable de son regard, pareil à un phare déblayant l'horizon. Un silence gêné envahit tout le salon. Les sœurs d'Archibald faisaient semblant d'être affairées autour de leur toilette, mais elles ne perdaient pas une miette de ce qui se disait ici. Ophélie, elle, n'en croyait pas ses oreilles. Culpabiliser des femmes de cette façon, c'était odieux. Près d'elle, la tante Roseline suffoquait tellement qu'elle pouvait entendre chacune de ses respirations. « Ne vous enflammez pas, père Vladimir, » dit Bérénilde d'une voix calme. « Je serai des vôtres demain, comme je l'ai toujours été. » Le vieillard lui retourna un regard acéré. « Non, Bérénilde, tu n'as pas toujours été des nôtres. En prenant le bâtard sous ta protection et en faisant de lui ce qu'il est aujourd'hui, tu nous as tous trahis. » « Thorn appartient à notre famille, père Vladimir. Le même sang coule dans nos veines. » À ces mots, Freyja libéra un rire méprisant qui fit résonner toutes les cordes du clavecin. « C'est un ambitieux, un calculateur et honté. Il déshéritera mes enfants au profit des siens quand il aura épousé sa ridicule petite femme. »« Tranquillise-toi, » susurra Bérénilde. « Tu prêtes à Thorn un pouvoir qu'il n'a pas. »« C'est l'intendant des finances, ma tante. » Bien sûr qu'il a ce pouvoir. » Ophélie se cramponna des deux mains à sa rame de gondolier. Elle commençait à comprendre pourquoi sa belle famille la détestait autant. « Ce bâtard n'est pas un dragon !» reprit le père Vladimir d'une voix terrible. « Qu'il pointe son vilain nez demain à notre chasse, et je me ferai un plaisir de lui imprimer une nouvelle cicatrice sur le corps. Quant à toi !» dit-il en pointant son doigt sur Bérénilde. « Si je ne t'y vois pas, tu seras déshonoré. Ne te repose pas trop sur les attentions du seigneur Farouk, ma belle. Elles ne tiennent plus qu'à un fil. » Bérénilde répondit à sa menace par un sourire suave. « Veuillez m'excuser, père Vladimir, mais je dois finir de m'apprêter. Nous le trouverons après la représentation. » Le vieil homme émit un reniflement méprisant et tous les dragons lui emboîtèrent le pas. Ophélie les compta des yeux au fur et à mesure qu'ils franchissaient la porte, ils étaient 12 en incluant les triplets. C'était donc cela, le clan au grand complet. Dès que les dragons furent partis, les bavardages reprirent dans le salon comme le chant des oiseaux après l'orage. « Madame, bredouilla le tailleur en revenant vers Bérénilde, pouvons-nous terminer votre robe ?» Bérénilde ne l'entendit pas. Elle caressait son ventre avec une douceur mélancolique. « Charmante famille, n'est-ce pas ? » murmura-t-elle à son bébé.